Voici le commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée sous le titre « Traitement routier aux bandits ». Le commentateur écrit entre autres « Au bout de l'enquête de 3 ans sur la fraude fiscale de la société américaine Apple, l'Union européenne vient de décider finalement de lui infliger une amende de fortes sommes d'argent. Faisant remarquer que le traitement préférentiel réservé à une société individuelle pour l'impôt contrevient aux droits de l'Union européenne, le comité de l'Union européenne a condamné l'Apple à payer à l'Irlande la taxe exemptée jusqu'ici. C'est en fait le traitement routier aux États-Unis qui ont rendu absolus leurs intérêts et qui ont imposé aux autres pays les rapports économiques illégaux. Les États-Unis sont banditistes sans pareil dans le monde, car ils poursuivent l'agression et le pillage économique contre les autres pays et régions. Le libre-échange et d'autres dont parlent les États-Unis ne sont qu'une duperie visant à envahir et à soumettre les autres nations et régions sur le plan économique. La politique économique et néocolonialiste américaine favorise seulement les intérêts pécuniaires d'une poignée de trusts monopolistes et elle est mise en œuvre sans égard aux droits nationaux et internationaux. À propos de la déclaration d'une guerre contre la fraude fiscale lancée par l'Union européenne à l'endroit des États-Unis, les presses mondiales mettent en relief la situation d'aujourd'hui où la politique d'hégémonie arrogante de l'Empire américain est condamnée par le monde entier. La campagne américaine de sanctions contre la Corée, méprisant les droits internationaux universels, y compris la charte de l'ONU, a échoué complètement. Les États-Unis doivent savoir que leurs comportements insolents font l'objet du mauvais traitement et de la moquerie des pays de plus en plus nombreux avant de connaître de plus grandes catastrophes et ils sont tenus d'agir avec raison.